yo yo yo yo yo yo yo. Chavalele, toko koma na sole. Africa. Na yebite, ona likambo tata, na yebiti na te yo musolo ya kompani ba pesa yo bongisa musala ole lelo to suki wapie ngai na yo na boloko lelo to suki wapie ngai na yo na wene kasi yo yeba kate ngai ya wana koma mokontie Mokolo akanga kanyama yako ni ate Oye baka tata Nyo se futa makawa nanse Elo baba noko Tu se peyi siba Nazalaka museni na yo ya bomoto Okoti singa iboloko Ona likambo tata Na yebite Yebitina te yo musolo ya kompani ba pesa yo bongisa musala ole lelo to suki wapie ngai na yo na boloko lelo to suki wapie ngai na yo na wele kasi yo yeba kate ngai ya wana koma mokotie Ya mongamba na yoe Mawana moto sala mosoro Yene moluki makambo Imbwa mesa na koiba Aganga kele mbona nzoto teo Mokile beti yo fimbo baneko e Mokile beti yo fimbo na mokongo e Lelo bakangi yo bae kotika yo Kutinga ya wana boloko na sina kuma na ngai kapita general Tongo nyoso batoke la kanga maye Midi ebeta batela kanga bukari na mesa Pokwa nyoso batandela kanga imbeto e Lelo bilamba na ngai onde okongo maye Lelo zapato na ngai okobolose Okobolose Tala mokile sanze Tala mokile mungwani Omoni mokili patron Lelo okomi serviteur ya mongamba na yoe Mawana moto sala mosolo Yene moluki makambo Imbwa amesa na koiba Azanga kele mbona nzoto teo Mokile beti yo fimbo na mokongo e Lelo bakangi Nalingi ya bae kotika yo kutinga ya wana boloko na sina komina ngai kapita general. Tongo nyoso batoke la kanga maye. Midi ebeta batela kanga biloko na mesa. Pokwa nyoso batandela kanga imbeto e. Lelo bilamba na ngai onde okongo maye. Lelo sapato na ngai okombolose. Okombolose. Tala mokile sanze. Tala mokile bongwani. Omoni mokili patron. Lelo okomi serviteur ya mokamba na yo e. Mawana moto sala mosolo. Yende moluki makambo. Imbwa amesa na koiba. Azanga kele mbona zoto teo. Tunafika Mozambique, Bala bwa maningi na sisa wanse wa vina rumba Wangira gira mangwa na mwaisei Zambia mziko ya mtendele Tunafika Harare Bala bwa maningi Pamene tunafika Playboy Antu wanse wa vina rumba Afrika ni pulu maningi Tunafika Malawi Bala bwa maningi Pamene tunafika Mangochi Mangochi rumba people Tambo na Kampangoe Tunafika Muzambia Bala bwa maningi Masisa onse wavina rumba Wanirangira mangwa na mwaiseni Zambia mziko ya mutendere Zimbabwe mziko ya mutendere Botswana mziko ya mutendere Soweto mziko ya mutendere Lesotho mziko ya mutendere Namibia mziko ya mutendere Angola mziko ya mutendere Swaziland, ziko ya mutendere.